chez nous, n'oubliez pas, on te schlag de feu de merde. C'est vrai, c'est fabuleux le petit écran. Ça vous fout. Nous avons tous la grosse tête, les chevilles qui rentrent. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà un aperçu de ce que vous verrez tout au long de cette émission. Un aperçu seulement, bien sûr, car nous sommes ensemble pour passer en revue pendant une heure les moments forts du cinéma cette année. CD là. Avantage Connors. partout, Connors remporte ce tie-break. Le match est complètement relancé maintenant. Débrouiller avec ça, moi j'ai fini. Ouais, énormément d'appels pour me demander depuis quand je connais Bonaldi. Ça fait environ un an, j'ai l'impression que ça fait 10 ans.